ses bonheurs. Quand bientôt la terre te prendra ta sœur, est si étrange que j'ai honte pour elle et honte pour eux et leur blanche vaisselle. Donnez-lui de l'Aragon, du Baudelaire, plutôt que tant de sottes affaires. Rendez-lui le plus beau des hommages, plus que lecture des mêmes et mêmes pages. Dites-lui à quel point elle manquera, combien pleure désormais ici-bas. Mais non, non, pas de ces fades prières, car qui enterre-t-on? Ce n'est pas le Père. Oh, vie, c'est vie.